ressemble pas à leur doctrine, leur norme d'éducation. Leurs écrans LED, leurs copines, leurs hommes élus de nation. Leur télé pété, made et leurs émissions qui rempètent. Leur cœur fait les créer par la société qu'ils reflètent. On se fait voler par les riches, ouais, on les connaît par mépris. On sait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. Eux-mêmes suivent pas la règle, ils voudraient qu'on reste calme. La plaie cicatrice rap, ça m'étonnerait que ça passe. Avec un pot d'argile, on est que le potager sympa de ces démocrates monarchiques. Un tas d'archives, de conarchies qui pillent les caisses. Ça dérange pas les masses, allez endoctriné par la presse. Remballe tes sondages, c'est pas chez nous que tu les as fait. On se fait baiser, c'est grave, et le plus grave sont leurs affaires. Viens faire un tour chez mes frères, endettés qui relèvent pas la tête. Chez ceux épuisés qui finissent par jeter par la fenêtre. À cause d'eux, on se fait du mal entre nous, à trop juger. On essaye d'être parfait, mais on bloque tout sur les mêmes sujets. Diviser les gens, bah ouais, ça marche. Envie de me dévisser les jambes, de me jeter dans la mare, de gerber dans la marque. L'avenir se fera mais pas sans fuite. On donnera pas suite, donc sois sans crainte. On est docile comme les anciens de mai 68. Rares sont les plaies que ma peine ferme. Donc j'ouvre une canette, je rêve une planète comme la belle verte. Rares sont les plaies que ma peine ferme. Donc j'ouvre une canette, je rêve d'une planète comme la belle verte. Je ressemble pas à leur doctrine, leur norme d'éducation. Leurs écrans LED, leurs copines, leurs hommes élus de nation. Leur télé pété, made et leurs émissions qui rempètent. Leur cœur fait les créer par la société qu'ils reflètent. On se fait voler par les riches, ouais, on les connaît par mépris. On sait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. Eux-mêmes suivent pas la règle, ils voudraient qu'on reste calme. Un dé comme le basson de la Corse, si la police t'aborde, d'abord va chercher le bâton. Peu importe ta conduite, t'as tort, Macron. C'est Louis XIV. Le lendemain t'en donne la veille, t'évites les coups. Pas dit qu'on pardonne, les masses éveillent. J'espère ta vieille te vide les couilles. On a grandi dans système et que ça t'apaise, amen. Finalement, se battre contre le système, on sait se taper soi-même. Avant que vous périssiez dans le fillon, je vous mets Valcadi. J'emmerde l'Elysée, Matignon, les filles, on les Balkany. Je voulais pas déranger, mais y'a les tafs de merde. Les lobbies, les viols, les garçonnières, les comptes à l'étranger. Ils cassent les couilles pour changer. Compte pas sur nous pour changer, gros, c'est danger. Ils sont blanchis comme Mardi Gras, rue des Blanchers. À positive et on améliore là. Se cultiver c'est la meilleure arme. Sans se connaître on ressent le bail. J'écris ce qu'on est parce qu'on leur ressemble pas. Dans le fillon j'fous mes Valcadi. J'emmerde l'Elysée, Matignon, les filles, on les Balkany. Je ressemble pas à leur doctrine, leur norme d'éducation. Leurs écrans LED, leurs copines, leurs hommes élus de nation. Leur télé pété, made et leurs émissions qui rempètent. Leur cœur fait les créer par la société qu'ils reflètent. On se fait voler par les riches, ouais, on les connaît par mépris. On sait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. Eux-mêmes suivent pas la règle, ils voudraient qu'on reste calme.